Sandare, le dernier de la classe. Sandare moy élève bi gëna ñular ci aduna. Sandare ndare rek lay jël. École maternelle ba sim 2, ndare rek lay jël. Sandare redoublé na 7 fois sim 2. Sandare récréation ku jël ndare mu xex yow ndax mo wara jël ndare. Sandare monsieur le président ñu seen école, ñu visiter école bi. Monsieur bi di laté, quels sont les 4 points cardinaux? Ken xamuko, ñepp nopi. Sandare nak pour la première fois de sa vie, il faut mu sauver école bi. Xétali école bi wara tontu bi. Oui, sama ndey monsieur intrusement. Monsieur ko dele 4 points cardinaux. Monsieur pourquoi tu testes moi monsieur intrusement? Monsieur bi xamné bu ko introsé tiaf xam mu bañ ko falé. Oui, sama ndey monsieur intrusement, monsieur ko dele 4 points cardinaux. Monsieur bi bañ ko falé. Jek jek rek président né. Eh bien, monsieur, il faut être démocrate. S'il y a un élève qui connaît eh bien les 4 points cardinaux, il faut l'introduire. Comment tu t'appelles? C'est le président Sandare, monsieur le président. Eh bien, Sandare, quels sont eh bien, les 4 points cardinaux? Monsieur le président, les élèves, les 4 points cardinaux sont point, point virgule, point d'exclamation, point d'interrogation! Boy yeen xana yeen jangulen tay dede sunu mo sada febar c'était un jeune élève il revenait l'école il revenait l'école avec cahier compo pour aller voir son père le père à la maison il était si content que son père lui demande pourquoi tu es content la la la la la la la la la la la dit à son papa je te dis pourquoi yo je suis si content ils m'ont donné cadeau je suis premier de mon classe regarde cahier concours tu te moques de moi avec un rang pareil yo. Comment tu es premier dans 12ème sur 112 la la la la la la la la la la la la je le veux lui dire Papa Moussé m'a dit c'est être premier, premier à la cour. C'est à dire Ndare, Ndare, Ndare. D'être fier de moi, toute la école suivie. Jusqu'à mon maison, yo, me féliciter. Dans me priant, Ndare, Ndare, Ndare. J'ai fait pour toi, comme ça tu me payes, une première à la cour, c'est-à-dire Ndare, Ndare, Ndare, papa c'est pas mon pote, je suis placé derrière, surveiller la classe, yo. Et même la voiture, c'est le patron qui est derrière, non, non, non, non, mon père lui donne une claque, une claque si fort, je vous dirai. C'était moi, si ce n'est pas moi, yo, ce sera peut-être toi. Si tu n'apprends pas tes leçons, tu seras toujours Ndare. Ton bangina, yo, worere, yo, yo, donko ya, mota, la la la la la la. Hey, est-ce que tu cailles, si la belle, il me dure, hey, est-ce que tu cailles. Papa, oh mama yul deureum man duma jangi may ma deureum mama oh mama yul deureum man duma jangi